Section 47, deuxième partie, chapitre 16. Charlotte espérait pouvoir faire parler Emmanuel après le départ du médecin et par quelques questions apprendre une partie de la vérité en attendant le lendemain. En pareille circonstance, l'attente était véritablement affreuse. « Il s'agit de la vie de votre mari », avait écrit l'oculiste. « Comment cette vie se trouvait-elle menacée ?» Mais il ne lui fut pas possible de réaliser son espérance. À peine le médecin avait-il tiré la porte qu'Emmanuel alla à la bibliothèque et prit un livre. À la façon dont il le lui tendit, elle vit bien qu'il voulait échapper aux questions. Et elle comprit que si elle voulait persister dans son idée de le faire parler, elle n'arriverait à rien, si ce n'est à l'irriter. Elle prit donc le livre et l'ouvrit. « Tu n'as jamais lu Mopra ?» dit-il. « Non. » « Je crois qu'il t'intéressera. Pour moi, je l'ai à peu près oublié et je serai bien aise de le retrouver. Voilà notre temps pris jusqu'à ce soir, et peut-être même jusqu'à demain. » Elle se mit à lire. Pour lui, assis dans un fauteuil, il resta immobile jusqu'à l'heure du dîner. Écoutait-il cette lecture ? Charlotte, en l'observant à la dérobée, vit qu'il marmottait entre ses dents des paroles pour elle inintelligibles. Pendant le dîner, il n'était pas possible de parler devant les domestiques. En sortant de table, il se plaignit de douleur de tête et voulut se coucher immédiatement. Évidemment, il y avait chez lui parti pris de vouloir échapper à toutes les questions. Elle renonça donc à lui en poser. Le temps avait marché, elle n'avait plus que quelques heures à attendre. Mais voudrait-il sortir et se conformerait-il jusqu'au bout aux prescriptions du médecin? Jusqu'à 1h50, elle resta dans l'anxiété. À ce moment, il prit son chapeau et, l'ayant embrassé tendrement comme de coutume, il sortit après lui avoir dit qu'il rentrerait vers 4h. En 2 minutes, elle fut habillée et, comme 2 heures sonnaient, elle entrait chez le docteur Verbiste. On la fit entrer dans un salon où se trouvaient réunies 12 ou 15 personnes ayant toutes des figures plus ou moins hétéroclites. Les unes s'étaient enfoncées dans les angles de l'appartement et elles restaient là, le visage collé contre la muraille, comme si elles avaient été en oraison. Les autres portaient des bandeaux sur les yeux ou des abat-jour en carton vert. Fallait-il qu'elle attendît le défilé de tous ces malades? Ce serait à mourir d'impatience. Elle sortit dans le vestibule, où se tenait un domestique. Ayant mis une pièce de 5 francs sous la carte de visite, elle plaça le tout dans la main du domestique en le priant de porter cette carte au docteur Verbiste. 5 minutes après, elle était reçue par celui-ci. « Vous avez pu sortir ?» dit l'oculiste en venant au-devant d'elle. « Mon mari s'est conformé à votre prescription. J'étais vraiment bien inspirée en ordonnant cette promenade, » dit le médecin en se frottant les mains avec une satisfaction évidente. « Sans elle, je crois bien que vous n'auriez pas pu venir. »« Me voici. » Elle dit ces 2 mots de manière à faire comprendre à l'oculiste qu'elle attendait avec une douloureuse impatience les explications qu'il pouvait lui donner. « C'est juste, » dit-il, « veuillez vous asseoir, madame, et je suis tout à vous. » Mais avant de parler, il resta un moment, la tête appuyée sur sa main, cherchant évidemment comment il allait commencer. « Ne craignez rien, » dit Charlotte, « je suis forte et prête à tout entendre. Vous savez alors que monsieur votre mari est halluciné. Je le crains. Vous le craignez? Eh bien, madame, vos craintes ne sont que par malheur trop fondées. Que s'est-il passé? Je vais vous le dire. Je vous en prie, monsieur, parlez sans ménagement. N'ayez pas peur de me dire toute la vérité. Je vous la demande, et le plus grand service que vous puissiez nous rendre, c'est de m'éclairer. J'étais avant-hier dans ce cabinet, commença l'oculiste. Il pouvait être environ 3 heures, lorsque je vis entrer monsieur votre mari, que je n'avais pas l'honneur de connaître. Il s'assit sur ce siège que vous occupez vous-même et il me dit qu'il venait me consulter pour une maladie des yeux dont il souffrait. Cette maladie, selon lui, était tout à fait étrange. Vous connaissez monsieur votre mari, madame, je n'ai donc pas à vous parler de la façon dont il se présenta. Tout ce que j'en veux dire, c'est qu'au premier abord, il inspire la sympathie. Ce mot acheva ce que la demande de l'oculiste avait commencé. En se trouvant vis-à-vis d'un médecin qui lui témoignait de l'intérêt, Charlotte eut un moment d'espérance. « J'ai pour habitude, continua le docteur Verbiste, d'examiner mes malades pendant qu'ils s'expliquent. C'est pour cela que je les place dans la lumière. En entendant parler d'une maladie grave alors que mon examen ne me révélait rien de particulier dans les yeux de monsieur votre mari, si ce n'est cependant quelque chose d'étrange dans l'expression du regard, je fus surpris et je le priai de me dire tout de suite en quoi consistait cette maladie. Ici l'oculiste s'arrêta et, quittant le ton d'un récit, « Mon Dieu, madame, dit-il, vous me voyez assez embarrassée. Je suis assurément tout disposé à me rendre à votre demande. Cependant, il est des choses difficiles à expliquer, surtout à une femme. Je ne suis pas une femme en ce moment. Je suis une garde-malade qui doit tout savoir. Je vous obéis. » Interrogé par moi, monsieur votre mari m'expliqua que sa maladie consistait dans un trouble de la vision qui était de telle nature qu'il voyait ce qui n'existait pas. Ainsi, parlez, monsieur, je prévois ce que vous allez dire. Ainsi, il voyait perpétuellement devant lui la nuit comme le jour, et encore plus la nuit que le jour, une personne qu'il me nomma, monsieur Safarel, député au corps législatif. En entendant cela, je fus fixé et compris tout à fait à qui j'avais affaire. Je ne pensais donc plus qu'à y conduire au plus vite ce singulier client, car mon temps ne m'appartient pas, il est à mes malades. Mais les personnes qui sont dans l'état de monsieur votre mari ont une persistance invincible. Longuement, il m'expliqua ce qu'il avait fait pour se guérir lui-même, les lumières allumées pendant la nuit, le changement d'appartement, etc., tout ce que vous savez vous-même. Tout avait été inutile, il continuait à voir sans cesse monsieur Safarel. En désespoir de cause, il venait à moi pour que je le guérisse. Là-dessus, je lui expliquai que je ne connaissais pas de remède à cette maladie et que je l'engageais à consulter un autre médecin. Puis je me levai. Mais il ne se laissa pas ainsi congédier. Il me dit qu'il avait lui-même trouvé le remède qui seul pouvait le guérir, et ce qu'il me demandait, c'était d'appliquer ce remède. « Je suis venu, dit-il, pour que vous me creviez les yeux. »« Mon Dieu !» s'écria Charlotte. « Hélas, madame, il faut bien que je vous dise tout, puisque vous voulez tout entendre. Ici même se place une chose dont j'ai été vivement émue, et qui, à vrai dire, m'a dicté ma conduite envers vous. Crever les yeux n'est rien, continua monsieur votre mari, et je me serais moi-même fait cette petite opération si je n'avais pas voulu qu'elle fût faite avec grand soin. Car il faut que vous sachiez, c'est lui qui parle, il faut que vous sachiez que je suis mariée à une femme charmante que j'adore. Pour elle, je ne veux pas être défigurée. Il faut donc que vous me fassiez cette opération assez proprement, pour qu'il n'en reste pas trace. Ce que je veux, c'est de ne plus voir ce qui me trouble la raison et m'impose des tortures qui me conduiraient au suicide. Mais je veux conserver mes yeux tels qu'ils sont. Cela doit être facile. « C'est horrible !» s'écria Charlotte en se cachant le visage dans son mouchoir. Après un moment de silence, le docteur Verbiest continua. « J'avais tout d'abord été disposé à renvoyer monsieur votre mari. Mais ses dernières paroles me touchèrent. Je vis en lui tant de véritable tendresse que je fus pris de pitié. Au lieu de le brusquer, j'entrai dans son idée et lui dis que je trouvais comme lui le remède qu'il m'indiquait excellent, mais que malheureusement je ne pouvais pas l'appliquer avec la facilité qu'il s'imaginait. Sans doute crever les yeux n'était rien, mais les crever assez habilement pour qu'il ne restât pas trace de l'opération était une chose délicate qui demandait des précautions et des soins préliminaires. Il devait subir un traitement préparatoire. À ce mot, il se montra désolé, disant que vous ne connaissiez pas son projet auquel vous vous opposeriez, et que ce traitement préparatoire vous l'apprendrait. En voyant que vous ignoriez la vérité, j'insistai davantage, et afin de pouvoir vous avertir, je dis que je ne pouvais appliquer mon traitement que chez lui, pour que ses yeux ne fussent pas exposés à l'air après le pansement. Ce fut ainsi que j'obtins votre adresse et que je pus aller vous voir hier. Ah, monsieur, combien je vous suis reconnaissante! J'avais cru que je pourrais avoir avec vous un entretien particulier, mais les soupçons de votre mari, vous l'avez vu, m'en ont empêché. C'est alors que j'ai inventé la comédie du foulard, puis celle de mon ordonnance, afin de vous permettre de venir pendant cette promenade de 2 heures. Il fallait que vous fussiez prévenu, car il était évident pour moi que vous ne connaissiez pas toute la gravité de la maladie de votre mari, et que vous ignoriez notamment quelques-uns des faits qui la caractérisent. Ainsi, cette demande de lui crever les yeux. Il y a là, madame, une indication qui doit appeler toute votre attention. Mais que faire? Mon Dieu, madame, je suis médecin oculiste, je ne suis pas médecin aliéniste, et c'est un aliéniste que vous devez consulter. Mais un aliéniste me conseillera de placer mon mari dans une maison de santé, et cela est impossible. Il ne m'appartient pas de vous donner un conseil. Tout ce que je dois vous dire, c'est que l'état de monsieur votre mari est très grave, et que vous ne sauriez agir avec trop de précautions. Rappelez-vous qu'il a parlé de suicide. Prenez donc le plus vite possible les mesures que des personnes compétentes vous indiqueront. Il y a urgence, et pour moi cette urgence est si grande que, craignant de ne pas vous voir aujourd'hui, malgré l'ordre de promenade que j'ai donné à votre mari, j'ai prévenu par une lettre Monsieur Safarel de ce qui se passait. Georges ? J'ai voulu, autant qu'il était en mon pouvoir, prendre toutes les précautions pour prévenir un malheur imminent. Monsieur votre mari m'avait beaucoup parlé de Monsieur Safarel. Il m'avait dit qu'il était votre plus proche parent. Je l'ai averti pour le cas où l'on vous empêcherait de venir ici, car je ne pouvais pas vous écrire directement, de peur que ma lettre ne fût ouverte par votre mari. Voyez donc Monsieur Safarel. Voyez toutes les personnes en qui vous aviez confiance, mais hâtez-vous, madame. » Après avoir remercié le docteur Verbiste comme elle le devait, ou plus justement comme elle put, Charlotte le quitta. Que faire ? Son hésitation ne fut pas longue. Ayant consulté sa montre, elle vit qu'il était 2h30. « Conduisez-moi au corps législatif, » dit-elle à son cocher. Fin de la section 47.